comprendre une conversation. Exercice 4. Bon, il faut trouver une solution. Qui va vers la gare de l'Est ? Nous, on habite juste à côté de la gare de l'Est. On pourrait rentrer à pied, mais c'est quand même très loin. Et il pleut. Attendez, j'ai un plan. Je regarde. Il y a bien le bus 95, mais il va plutôt à la gare Saint-Lazare. Il y a aussi le 96, mais il va trop à l'est. Il va à la porte des Lilas. Ah, ça y est, le 39, il va à la gare de l'Est. Ah oui, c'est bien. Mais remarquez, on pourrait aussi partager un taxi. Il y a une station juste à côté. Bonne idée. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous aimerions prendre un taxi à plusieurs pour aller à la gare de l'Est. Il y a un volontaire pour venir avec nous ? Ce sera moins cher si on est quatre passagers.